C'est ainsi que certains poètes se sont révélés. Mais cela importe peu. C'est un axiome de dire que les forces fondamentales sont l'égoïsme et l'altruisme. La réunion harmonique, exposition des lois de l'échange, de l'agrégat dynamique, la beauté dans son essence diesel intrinsèque. Homo aestheticus, comme l'araignée tissant sa toile, l'étalon mégalomaniaque. Sous la pression de la foule, le poète attire les femelles. Janis Rasta que Rasta. Janis Rasta que Rasta. Janis Rasta que Rasta. Janis Rasta que Rasta. Janis Rasta que Rasta.